force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Ne cherche pas à comprendre tout ce qui se passe dans ta vie. Il y a des domaines qui dépassent ton intelligence, mais tu comprendras plus tard pourquoi Dieu permet ces situations. Mais sache que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Même les difficultés, les trahisons. Un proche t'a trahi, tout le monde t'a laissé. Mais sache que Dieu permet cela pour ton bien. Dis-lui merci, ne te révolte pas contre Dieu. Dis-lui merci parce qu'il va changer l'adversité en gloire. Il va changer ton humiliation en gloire. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à notre émission de prière OSB. Nous allons prier pendant une demi-heure. Notre passage du jour, c'est Juges 15, 1 à 20. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons donc Juges 15, à partir du verset 1. Quelques temps après, à l'époque de la moisson de blé, Samson alla voir sa femme et il lui porta un chevreau. Il dit, « Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. » Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. « Je pensais, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. » Samson leur dit, « Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit les flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, « Qui a fait cela ?» On répondit, « Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. » Samson leur dit, « Et c'est ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit rudement, dos et ventre, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léché. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait ?» Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils les lièrent avec deux cordes neuves et les firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait aux bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis, par la main de ton serviteur, cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif, et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Dieu fendit la cavité du rocher qui est alléché, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En Hakore. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Amen. Nous allons partager quatre vérités essentielles tirées de ces passages. Voici la première vérité. La séparation de corps dans un couple peut entraîner des conséquences fâcheuses. Je conseille souvent à ceux qui ont l'habitude d'aller travailler. Mon ami, tu es parti en Europe, tu as laissé ta femme ici, ça fait plus de 5 ans. C'est très dangereux. Et vice-versa. Il y a des femmes qui s'en vont pour travailler, ils s'en vont dans un pays extérieur pendant longtemps. Ce vide-là est dangereux pour un couple parce que ce vide peut être comblé par autre chose. Nous voyons ici dans ce passage, Samson, lorsqu'il était énervé, il est parti chez lui, il a laissé sa femme. Et ses parents ont profité de ce moment pour la donner à quelqu'un d'autre. Et le texte dit ici, quelques temps après, au verset 1, à l'époque de la moisson de blé, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je vais entrer vers ma femme dans sa chambre, mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Le père répond, j'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donné à ton compagnon. Vous voyez? Donc, le vide là est à éviter parce que souvent, c'est pendant ce vide là que parfois l'ancien amant, l'ancien copain peut revenir. Et quand maintenant ton épouse ou ton épouse est liée déjà à quelqu'un d'autre et que tu reviennes, parfois ça peut être trop tard. Donc évitons ça, évitons ce vide-là. Deuxième vérité, un conflit mal géré peut entraîner des dégâts terribles. Nous voyons ici, il s'agissait maintenant d'un conflit parce que Samson, voyant que sa femme a été donnée à quelqu'un d'autre, il a cherché à se venger. Ce n'était pas forcément la bonne solution. Donc maintenant, il va chercher à se venger d'une autre manière pour combattre le peuple philistin. Vous voyez ici, et le verset 4 dit, Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il tourna queue contre queue. Il mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma des flambeaux, lâcha les renards dans les blés des philistins et embrasa les tas de gerbes et les blés sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Vous voyez, ça a créé des dégâts même au niveau de l'économie des champs. C'est vrai que les Philistins étaient leurs ennemis, mais voyons l'aspect dégâts ici. Et non seulement cela, c'était des dégâts en chaîne, c'est-à-dire des réactions en chaîne. Parce que quand le peuple philistin se sont rendus compte que là-bas de leur malheur, c'était un certain Samson qui était gendre d'un certain Timien, et ils se sont dit, bon, comme c'est ce monsieur-là qui était à la base de nos malheurs, on va brûler son beau-père, on va brûler aussi sa femme. Et le verset 6 dit, les Philistins dirent, qui a fait cela? On répondit, Samson, les gens du Timien, parce que celui-ci a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent, ils la brûlèrent, elle et son père. Vous voyez les dégâts? Parfois, des actes que nous commettons, nous ne savons pas des réactions que ça va créer. Et l'autre dégât, c'était aussi dans le camp de Judas, vous voyez. Parce que quand les Philistins maintenant vont se lever pour aller combattre Israël, Judas va dire, Samson, c'est toi qui es à la base de nos malheurs, toi aussi, vous voyez. Ça crée des dégâts et du camp des Philistins qui étaient ennemis, et même dans son propre camp. Si bien que tout Judas s'est dit, bon, Samson, nous on va te livrer parce qu'on ne veut pas avoir de problème. Tu sais que les Philistins dominent sur nous. Et ils l'ont lié, on dit, on va te livrer entre les mains des Philistins. Vous voyez les dégâts que peuvent créer un conflit mal géré. Ce que nous semons, nous risquons de les moissonner. Troisième vérité, nous voyons que dans sa souveraineté, Dieu peut toujours se servir de ses serviteurs. Même parfois ceux-là qui marchent dans la désobéissance. Il est un Dieu souverain. Malgré tout ce que Samson était, malgré tout ce qu'il faisait, mais l'Esprit de Dieu continuait toujours à se saisir de lui pour accomplir de l'espoir. Et c'est ce qui trompe parfois certains serviteurs. Il dit, bon, Dieu m'utilise encore, Dieu m'utilise, l'onction est sur moi, et parfois il croira que ça va continuer comme ça. Et s'il vit dans la désobéissance, nous allons voir que des conséquences vont se suivre, ils vont mal terminer la vie. Mais jusque-là, Dieu se sert toujours de Samson. Nous voyons ici ce qui se passe, c'est quoi? Au verset 14, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussaient des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Et il accomplit encore un autre exploit. Il a pris une mâchoire d'âne. Il a tué 1000 hommes. Verset 15. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche et étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Quatrième vérité. Lorsque nous sommes dans les besoins, invoquons le Seigneur. Samson s'est rappelé que ses victoires qu'il venait d'expérimenter, c'était grâce à l'Éternel qu'il a secouru. Mais il avait soif et il se tournait vers Dieu. Lorsque tu as un problème, tourne-toi vers Dieu, invoque ce Dieu-là. Rappelle-toi de ce que ce Dieu a fait dans le passé. Et tu vas lui dire, Seigneur, c'est toi qui as fait telle chose dans ma vie. Voici maintenant mon problème. C'est ça l'exemple que nous voyons ici chez Samson. Il est dit au verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» Et le verset 19 dit, « Dieu fendit la cavité du rocher qui est alléchi et il en sortit de l'eau. Samson but son esprit, s'est ranima et il reprit vie. » Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Sa puissance, la main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer. proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Gloire à Dieu le Père, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Sois béni et sois glorifié, éternel notre Dieu. Toi, le Dieu infiniment grand, tu es celui qui intervient dans nos vies quand nous crions à toi. Oui, tu es le Dieu fidèle. Tu es celui qui traite une alliance éternelle avec nous. Oui, tu ne te répands pas de ton alliance. Nous te glorifions, nous te magnifions, ô éternel notre Dieu, notre Seigneur. Sois béni, toi qui pardonnes nos péchés. Nous te bénissons, oh, pour le sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous magnifions ton nom en ce moment. Nous te glorifions, nous t'élevons pour le Saint-Esprit de vie qui nous conduit jour après jour. Merci Père, toi qui ne nous a pas laissé des orphelins, mais qui nous a envoyé le Saint-Esprit de vie par lequel nous crions Abba Père. Sois glorifié, sois magnifié pour ta présence dans nos vies, jour après jour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre texte du jour, c'est Juges 15, 1 à 20. Nous venons de voir plusieurs vérités. Évitons la séparation de corps pour ceux qui sont mariés. Ne prolongez pas longtemps un temps de séparation. Beaucoup de couples se sont disloqués parce qu'ils vivent séparément. Le mari est parti loin, la femme est partie loin. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide, qu'il aide les couples mariés, surtout ceux qui ont gardé une grande distance, qui sont en séparation de corps, que Dieu les aide à être prudents. Que leur mariage soit consolidé au nom de Jésus. Et pour ceux dont le mari est parti, la femme est partie, prions pour que Dieu les restaure au nom de Jésus. Éternel Dieu, toi qui disposes de toutes choses et toi qui nous les donnes chaque jour, ce matin, ô Père éternel, nous t'adressons notre prière de remerciement et d'action de grâce pour tous tes bienfaits. Nous disons merci, Père éternel, pour tes enfants qui sont mariés, ceux à qui tu as donné, tu as accordé le privilège d'être réunis par les liens de mariage. Nous prions pour la sécurisation, pour la protection de leur couple. Nous prions aussi au Père éternel pour les couples qui sont en séparation de corps. Premièrement, nous prions pour ceux qui sont séparés pour des raisons professionnelles. Nous demandons, Père éternel, que la distance ne permettent pas à l'ennemi de créer la division dans leur camp, de saboter leur mariage. Nous prions et nous demandons que ce mariage soit sécurisé dans le sang de Jésus-Christ et que toi, ô Père éternel, tu crées des conditions afin qu'ils puissent à nouveau réunir. Nous prions aussi pour les couples qui sont en séparation à cause d'un défi, à cause d'un différend, à cause d'une crise. Nous prions, ô Père éternel, éternel, toi qui nous as donné le ministère de la réconciliation, que tu touches des personnes ressources afin de les rencontrer et ramener, régler le différend qui les concerne. Par ta grâce, par ta faveur exceptionnelle, nous prions au Père éternel pour une réconciliation, pour une restauration de leur couple. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir qu'une mauvaise gestion des conflits peut causer des grands dégâts. Samson a cherché à se venger, mais il ne savait pas ce que cela pouvait entraîner comme conséquence. On a brûlé sa femme, on a brûlé son beau-père et même dans son propre camp en Juda, tout le monde s'est levé contre lui pour les livrer. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour que les conflits que nous avons, que Dieu nous donne la sagesse pour savoir quelle est la meilleure manière qui soit pour le résoudre, pour que nous ne puissions pas subir des conséquences négatives. Prions le Seigneur. Croyons au pouvoir de ta parole, au pouvoir du Saint-Esprit. Seigneur, tu es l'unique, tu es le véritable, tu es le chemin. Tu es celui-là vers qui nous pouvons aller pour avoir la solution à nos problèmes. Seigneur, nous constatons aujourd'hui, nous expérimentons aujourd'hui, nous entendons aujourd'hui, nous voyons maintenant même qu'il y a des problèmes dans des foyers, qu'il y a des conflits, qu'il y a des rancœurs, la vengeance, la haine, l'adversité, Seigneur, et les gens les règlent mal. Souvent la chair fait son entrée, les paroles dures, oh, l'infidélité, l'adultère, vient pour bien vouloir se venger, faire du mal à l'autre et ça crée des conséquences graves. Seigneur, viens au secours de tes enfants. Viens au secours de tes enfants qui pleurent. Viens au secours de tes filles qui gémissent, qui soupirent, qui savent même plus où aller aujourd'hui. Tu es là, notre Dieu, notre Père. À qui irons-nous si ce n'est vers toi qui a les paroles de la vie éternelle? Nous prions ce matin que tu suscites des femmes, des hommes, des serviteurs de Dieu, des couples expérimentés qui ont la qualification de pouvoir les accompagner dans leurs souffrances. Au nom de Jésus, amen. Amen. Oui, nous venons de voir ici que lorsque nous sommes dans les besoins, comme ce fut le cas de Samson, invoquons le Seigneur. Rappelons-nous de tout ce qu'il a fait dans le passé. Samson s'est rappelé que c'est Dieu qui lui a accordé une grande délivrance. Il a invoqué le Seigneur parce qu'il avait soif d'eau et Dieu le lui a donné. Prions le Seigneur pour présenter nos besoins et il va nous exaucer. Prions le Seigneur et présentons nos besoins à lui au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, et... Dieu, ce matin, je voudrais dire comme le psalmiste, prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, ce matin, je voudrais te recommander les besoins de tes enfants. Nombreux sont ceux-là qui ont des besoins financiers dans les couples. Nombreux sont les couples qui n'arrivent pas à manger à satiété. Nombreux sont les couples dont le mari a perdu son emploi. Ou père, la femme ne travaille plus. C'est difficile. Je te demande d'intervenir. Je te demande d'opérer un miracle. Je te demande d'ouvrir une porte de travail. Seigneur, dans des couples, nombreux sont découragés. Nombreux sont abattus à cause d'un péché, de l'adultère, à cause d'un péché, à cause d'une méchanceté, à cause des paroles blessantes de l'un des couples. Restaure quelqu'un. Restaure ce foyer. Renouvelle par la puissance de ton esprit. Oh Dieu, ce matin, rencontre quelqu'un au point de son besoin. Visite quelqu'un. Transforme la vie de quelqu'un. Réponds à la requête, à la supplication de quelqu'un. Bénis. Accorde de la joie. Accorde de la vie. Chasse à tout esprit qui règne dans le foyer, qui domine les hommes et les femmes dans le couple. Père, mais en état de nuire tout esprit méchant, négatif, qui agit contre le couple. Bénis tes enfants. Ranime la flamme de l'amour dans le couple. Renouvelle le premier amour. Visite quelqu'un. Ouvre des portes de grandeur. Ouvre des portes de joie. Qu'aujourd'hui, quelqu'un soit béni dans son activité. Quelqu'un soit visité dans son activité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que le dimanche prochain, à partir de 16h, nous aurons notre programme Bonheur conjugal pour les célibataires, où nous voulons parler de l'origine, des conséquences des blessures intérieures, surtout dans le cadre du mariage. Comment ces blessures peuvent empêcher que nous puissions entrer pleinement dans le projet du mariage. Premier service 16h, deuxième service à 18h. L'entrée est libre. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.